Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem. Amazir, c'est un ex-chanteur de Gnawa Diffusion. C'est un chanteur qui, après 3 ans, est monté sur scène en solo avec un nouvel album. Bon, il n'est pas encore dans les bacs. Bah, bien sûr que c'est un miracle sur la terre, quoi. C'est un des plus grands chanteurs que j'ai connu, qui a connu la GIE. Après, elle a des bons comptes, voilà. Je suis un peu guitariste, mais pas dans le genre Gnawi, mais quand même, ça reste quelqu'un de grand. Il marche un peu sur les pas de son père, mais pas de la même façon, bien sûr, mais ça va, il sait faire honneur à la musique Gnawi. Je dirais merci beaucoup pour sa musique. Amazir Keteb, poison rouge échappé du cocal, né le 16 septembre 1972 à Spawedi Bledchoua. Salam alaikum al-Khawar. Retrouvez-moi avec Brahim sur une émission spéciale Amazir Keteb. Bagda Palwa, ça m'est répété chez la Sahel. Première rencontre avec le public algérien. Première rencontre, c'était en 99, et puis par la suite, la première tournée que j'ai montée en Algérie, c'était effectivement en 2001, à l'occasion du 8 mai 45, enfin des commémorations du 8 mai 45. Et c'était inoubliable, parce que déjà c'était une tournée dans laquelle on n'a pas gagné un rond, parce que moi je suis pas le roi des organisateurs, je sais pas aller chercher les sponsors, je sais pas faire ça, c'est pas moi. Moi je sais louer une salle, un peu de matériel et faire un concert, mais après le reste, je suis pas très très professionnel, donc bon... On n'a pas perdu grand-chose sur cette tournée, mais en tout cas, on a ramené des images, des souvenirs, du son. On a sorti un live par la suite qui s'appelle Live des Z, qui a été enregistré avec des tout petits moyens et dont je suis très fier parce que c'est aussi fait avec une volonté implacable et pas spécialement avec beaucoup de matériel. Je crois qu'on avait 3-12 pistes qu'on avait couplées ensemble avec un magnéto. Voilà, c'était vraiment rudimentaire. Et c'est la tournée, c'est le baptême du feu, quoi. D'accord. Pour moi, c'était la première fois que je traversais une partie du pays avec mon groupe, qu'on allait à la rencontre des gens, qu'on se rendait compte aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui nous connaissaient, même si nous ne soupçonnait pas tout ça, quoi. Et qui chantaient par cœur vos chansons aussi. Ah oui, Harbin Cool. En plus, les sonos qu'il y avait sur cette tournée-là, c'était pas des sonos très performantes. Et il n'y a pas un concert où le public n'a pas couvert la sono juste avec sa voix. Enfin, tu vois, t'as beau être amplifié. Quand le public il connaît tout par cœur et que ça chante vraiment avec le cœur, tu t'entends rien, t'entends que le public. C'est arrivé même des fois qu'on joue et que le public lance une chanson, par exemple des chansons Testa, des chansons que tout le monde connaît, des chansons collectives. Et c'est arrivé que, par exemple, nous on lance un rythme et eux sur le rythme ils lancent une chanson et on peut même pas commencer nous notre chanson parce que eux ils chantent tellement fort qu'on est obligé de les suivre. Et ça arrive régulièrement dans les concerts en Algérie, ça arrive aussi au Maroc, ça arrive aussi en France parfois quand il y a des hooligans. Mais voilà, c'est en tout cas ça fait plaisir. Je préfère avoir des problèmes techniques dans cette ambiance-là qu'avoir une technique impeccable avec des morts-vivants en face de moi. Ça c'est clair. De toutes les façons, moi depuis 1994, que je suis Keteb Amazir, que ça soit avec le groupe, je pense que c'est une personne très courageuse pour moi. Pour moi, c'est une personne très courageuse qui a beaucoup donné à la jeunesse algérienne. Et c'est pour cela que je suis venu de Tlemcen. J'ai parcouru 700 km pour venir le voir. Mais bon, il y avait un petit peu des empêchements pour rentrer le voir. Voilà. Et là, j'ai un groupe. C'est un petit peu l'inspiration de Gnawa Diffusion. Un petit peu de jazz, tout ce que j'ai pratiqué pendant tout mon cursus dans la musique. Et là, c'est un petit peu le groupe, c'est un petit peu grâce à Amazir que j'ai fondé mon groupe. Il s'appelle comment le groupe ? Le groupe, il s'appelle Makrout. Et nous sommes de Tlemcen. Yeah, man. Depuis la séparation du groupe Gnawa Diffusion. À partir de ce voyage-là, j'ai commencé dans ma tête à faire Gnawa Diffusion. Absolument tout. Sa passion. Sa musique. Ses rêves. Amazigh Ketub, poison rouge échappé du bocal, né le 16 septembre 1972 à Spawedi Bledchua. Déjà la première fois que je suis allé à Timimoun, c'était quand j'avais 9 ans, puis j'y suis retourné après à l'âge de 13 ans, et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu un échange collectif, musical, participatif, etc. Avec des gens de mon pays, puisque finalement, avant ce voyage-là, je connaissais de la musique algérienne, je connaissais surtout l'andalou, enfin de loin en plus, parce que j'aimais pas trop, j'aimais ni le chabi, ni l'andalou, ni le raï, je me reconnaissais pas là-dedans. Et en fait, la musique de Timimoun m'a permis de me reconnaître dans une des musiques algériennes. Et elle a fait finalement le lien par la suite avec tout le reste. Maintenant, par exemple, j'adore le chabi, j'en écoute chez moi, j'en compose, je chante sur le mode chabi. Mais c'est quelque chose qui serait jamais arrivé si j'avais pas fait le passage par Timimoun. Parce que ça a créé le lien, en fait. Voilà, c'est comme si j'avais découvert un trait d'union. Et c'est le cas vraiment, j'ai découvert un trait d'union, j'ai découvert une émotion aussi que je connaissais pas auparavant, j'ai découvert une histoire aussi, un grand pays avec une africanité beaucoup plus prononcée que ce que j'avais connu à Alger et à Sidi Bou Abbès, puisque j'ai vécu dans les deux villes. C'est, je pense aussi, à partir de ce voyage-là, que j'ai commencé dans ma tête à faire Gnawa Diffusion. Parce que Gnawa Diffusion tourne autour de cette idée-là, de l'africanité du Maghreb, de cette africanité qui peut être le lien de tous les éléments qui composent notre culture, même si, a priori, en regardant comme ça de loin, on croirait pas. On croirait pas que c'est cette chose qui peut faire le lien. Et pourtant, bah, c'est cette chose qui peut paraître lointaine, la culture Gnawa, la culture des Noirs, des esclaves, et ben, elle recolle les morceaux. De la même manière que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, la plupart des musiques qui sont jouées sont des musiques qui descendent de la musique des esclaves, qui sont des dérivés de la musique des esclaves, que ce soit le rock, le jazz, le blues, le rhythm and blues, et la funky, et le rap, et tout ça. Tout ça, c'est des musiques qui découlent du gnawi américain, quelque part, du gospel, et de la musique des Noirs. Donc c'est aujourd'hui un vrai trait d'union, une vraie caractéristique nationale. Quand tu entends de la musique américaine, tu reconnais tout de suite qu'elle est américaine. Exactement. Et les Américains se reconnaissent tout de suite dans cette musique. Donc finalement, la musique des esclaves, là-bas aussi, a créé un lien que jamais un pouvoir ne pourra créer, que jamais un quelconque régime ne pourra créer, parce que c'est pas dans les mains de ces gens-là. C'est dans les mains des artistes, ça. de créer ce lien et de le découvrir et de le faire découvrir. C'est la chanson Douga Douga, Serge et Berry l'ont refait, c'est une reprise. C'est aussi la chanson de Matibetir, c'est une chanson très connue. Ketba Mazir aussi, avec sa voix, il a une voix qui est spéciale, qui est unique à lui, qui appartient à lui. Pour ses compositions, donc je trouve que c'est un très très bon artiste. On attend plus de lui, son album solo. This is my reggae from Sahara and another song from Africa. Flekia. This is my last message. Voilà. Mais vous confirmez, on vous a aperçu en Éthiopie en train de chanter, est-ce que vous confirmez? C'était en Érythrée, c'est un pays qui a pris son indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie d'ailleurs en 75 je crois. Et oui, j'ai joué là-bas. Je sais plus si c'est en 2001. C'est en 2001. Non, en 99, pardon. C'était une tournée. On a joué trois fois dans trois villes différentes. On a joué dans le village de Sidnabilel. Ah, d'accord. Keren. Ça s'appelle Keren. Et on a joué aussi dans la capitale, à Massawa. Et on a joué au bord de la mer Rouge, en face du Yémen, à Asmara. Et en fait, dans cette tournée-là, on avait fait le Yémen aussi. Donc c'était une tournée Yémen-Érythrée. To be a man. Is it so easy to be selfish? The Sahara, فيها الرجال, فيها الرجال. مكافحين في وسط الجبال, في وسط الجبال, جبال, جبال, جبال, جبال. أرض الصحراء نساء ورجال, نساء ورجال. مكافحين في وسط الجبال, جبال, جبال الأليا. Bulan nas, bulan, bulan, bulan nas. Amazigh Kateb, poison rouge échappé du bocal, né le 16 septembre 1972 à Spawali Bledchua. Quatre albums avec Gnawa Diffusion, plus un live, donc ouais. Tout ça en 10 ans. Quel est votre préféré à Mazir sur tous ces albums? Ben écoute, j'ai du mal à dire lequel, mais il y a des morceaux que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, j'aime tous mes morceaux, sinon je les aurais pas fait. Hein. Je fais ce que j'aime. Donc, là, disons que l'album où je trouve que le son se rapproche le plus de ce que moi j'entends par Gnawa Diffusion, c'est Bad Blood Kingston. D'accord. Parce qu'il a été enregistré. Sur du matériel analogique avec des vieilles bandes, donc le son il est brun, le son mrabbar, tu vois, fait le rabbar qui m'a les enregistrements d'Abkri, tu vois, sur le Ken Ken l'Afla, les Makainash numérique ou Ken Ten et l'époque Hadik, when c'était mon, c'est, tu vois, c'est, je l'ai sorti en 99, c'était juste avant que je rentre en Algérie. Ça arrivait, je pense, au bout d'une période. Je sentais que c'était la fin d'une période, même si j'ai sorti l'album avant de revenir en Algérie. Je sentais que c'était la fin d'une forme de ghorba, d'une forme d'exil. Quelque chose qui se finissait et qui allait déboucher sur autre chose. Je sais que cet album-là, il est charnière pour moi. C'est aussi l'album qui a précédé la fin de la première formation, parce qu'il faut savoir que dans Gnawa, il y a eu un premier split, il y a eu une première séparation. En 2001 voilà, juste après la tournée algérienne, on s'est arrêté. Et donc moi, j'ai peut-être bloqué pendant 4 mois, j'ai remonté une équipe et puis je suis reparti sur Souk System. Mais c'était bel et bien quand même la fin d'une histoire. Bad Blood Kingston, c'est vraiment Gnawa Diffusion de 92 à 99. انا يا مدري تقلي حجوبة يا زهرة نفتها في النار كاين اخوك يا زهرة نفتها في النار بابا بابا تراب جمع ضرب جمال thank you. c'était Moh au mandol. En 2007, tournée d'adieu du groupe, ouais. qui s'est séparé la première fois en 2001, et certains parlent d'une douloureuse rupture. Première a été douloureuse, la première rupture, oui. D'accord. La première rupture, celle de 2001, mm-hmm. Effectivement, on s'est quitté en pas très bon terme, et d'ailleurs on n'est toujours pas en très très bon terme. À ce qui paraît, vous parlez même pas avec certains membres. Oui, il y a des membres, je préfère pas leur parler, parce que j'ai pas envie d'entendre leur dialogue. Que s'est-il passé au juste à Metz? Il s'est passé juste que les gars, il y en a qui ont choisi de faire leur route séparément du truc. Mm-hmm. Après, la façon dont ça a été fait, moi je respecte les choix de chacun, mais la façon dont ça a été fait, ça ressemblait un peu à du sabordage, c'est-à-dire je crois qu'ils se sont mis en tête, en tout cas pour certains, parce que c'est pas tous non plus, mais pour certains, notamment deux, on va pas rentrer dans des guerres internes, mais je sais qu'il y a au moins deux membres de l'ancienne formation, puisqu'il y en a quatre qui sont partis, qui pensaient qu'en partant, ils allaient couler Gnawa Diffusion et que Gnawa Diffusion n'existerait plus. Et moi, je suis fier d'avoir continué l'histoire avec d'autres gens, et je suis fier aujourd'hui de continuer l'histoire encore avec d'autres gens, parce que pour moi, c'est la même route. C'est juste les compagnons qui changent. Moi, je sais que j'ai pas de haine. Or, je sais que de l'autre côté, il y a aussi de la haine. J'ai essayé de rabibocher les histoires. J'ai essayé de faire comprendre à ces gens-là qu'on avait partagé assez de choses ensemble pour ne pas rentrer en conflit, et que même si on travaillait pas ensemble, on pouvait être amis. Bah, il se trouve que certains l'ont entendu, d'autres l'ont pas entendu. Donc, ceux qui l'entendent pas, moi, c'est fini. Je les entends plus non plus. Et c'est juste ça. Mais après, la deuxième rupture, elle était tout à fait préparée, elle était en accord avec tout le monde, on avait bien parlé de ça, on avait bien dit qu'on faisait un album et un live et qu'on arrêtait. Mmh. Moi, j'avais besoin de faire mes choses aussi, que d'autres aussi avaient besoin de faire leurs choses séparément. Il n'y a personne qui est au chômage, hein. Tout le monde travaille de son côté, chacun fait sa vie, fait son truc. Et on est toujours une famille, on s'écrit, on s'appelle, il n'y a pas de souci. Sans image, dépouillé de moi-même, allégé de mes jours, n'ayant plus souvenir que de toi, mon amour. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, vaisseau de l'île, en secret frémissant qu'aveuglement. Je touche mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche. Lent parfum retrouvé de cette vie ensemble, et comme au premier temps qu'à respirer, je tremble. Te voilà, ma jacinthe entre mes bras captives, qui bouge doucement dans le lit quand j'arrive, comme si tu faisais dans ton rêve ma place, dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. Thank you. côté je veille. Et j'ai peur de tomber de toi dans le sommeil. Comme la preuve d'être embrumant le miroir. Si fragile, bonheur qu'à peine on peut y croire. J'ai peur de ton silence et pourtant tu respires. Contre moi je te tiens, imaginaire en pire. Je suis auprès de toi le guetteur qui se trouve. À chaque pas qu'il fait de l'écho qui le double. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. Sur les murs qui souffrent d'une feuille et se meurent d'un murmure. Je vis pour cette plainte à l'heure où tu reposes. Je vis pour cette crainte en moi de toutes choses. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsa, ce n'est ma signature. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsa, ce n'est ma signature. Au fond de la déjà pour moi c'était on va dire que c'est un idole. C'est une personne qui a, on va dire qui a révolutionné la musique algérienne. Voilà. Enfin pour moi. Pour... C'est vrai, je voulais savoir ce qu'il va faire au futur peut-être, son carrière et tout. ميشيل شكرا في مغامرات في مصر مانيتو بوعلام. Ah, c'est un cadeau. Bon, c'est le fils de Katib Yassine, l'écrivain. Non, c'est un excellent chanteur. Chanteur, compositeur, multi-instrumentaliste. C'est un très bon manager de son groupe, un très bon leader. Qu'est-ce qu'il va faire pour sa prochaine carrière solo? Pour sa carrière solo. Un album qui va sortir le 17 octobre en France et que je vais essayer de sortir au Maghreb avant, j'espère, en tout cas septembre. J'aimerais bien que c'est en septembre. Dès qu'il est mixé, masterisé, de toute façon, je vais prendre le master avec moi et puis je vais essayer de le faire distribuer en Algérie, au Maroc, etc. Voilà, c'est un album qui est un peu plus personnel, un peu plus axé sur le texte. Toujours les mêmes influences musicales, hein. J'ai pas changé de cerveau non plus, hein. Je suis toujours le même, il y a toujours ma voix, j'ai toujours la même voix je pense, j'ai toujours, ouais, toujours ma personnalité dessus. Après les choses qui sont différentes, ben je laisse les gens les découvrir. Je peux pas vraiment dire moi qu'est-ce qu'il y a de différent, parce que pour moi en fait il n'y a rien de différent. Je compose toujours comme avant mes chansons avec mon gumbri, j'écris, je chante avec la même voilà, avec le même plaisir, avec la même envie, la même conviction. J'ai pas de, il y a rien qui a changé dans mon ventre. Il y a juste dans mon entourage un arrangement sonore qui est différent, un peu plus de place pour le texte, pour le chant, un peu plus de place pour l'Algérie aussi, je pense, parce qu'il est plus personnel, cet album qui arrive. D'ailleurs, cet album s'appelle Marché Noir, l'album qui arrive. D'accord. Il s'appelle Marché Noir, mais Marché Noir avec EZ, c'est Marché Noir. Donc c'est un album au Marché Noir, j'espère que vous le trouverez dans tous les Marchés Noirs. Vous avez pensé au premier single? Oui, un single qui est déjà en train de tourner, qui s'appelle Michel Choukran. Ah d'accord, ça, mais je ne savais pas ça. Ouais, si, il tourne déjà, il tourne sur Radio Nova à Paris, et puis je pense que je vais l'envoyer aux radios. En tout cas, si vous voulez que je vous l'envoie, il n'y a aucun problème, si vous voulez le passer. That's not Moses on the River Nile, but another prophet came with a bad new style. Smoking cigars, using mobile, Mr. Master Cardman is not coming down from the sky. En valeur c'est pas Mr. Kitsch parle c'est pas. Il a goûté toutes les femmes. Il veut que toutes les femmes la dirigent, que toutes les femmes la clament. Michel les prend comme un ange. C'est Michel-Ange en chétan. Il a les yeux de Brad Pitt et s'en sert comme d'une sarabacane. Michel les prend comme un ange. Il a des bijoux de chaman. Le soleil veut sa peau et les rébans aiment son crâne. De Beyrouth à Amman, il panne crâne et flamme comme un sultan. Ya ya ya. Il sait aussi se faire petit quand parmi les moutons il belle. Ses narines sont bien pleines, sa vie manque de sel. Alors il disparaît pour fumer des cracks dans la poubelle. Il se cherche dans le noir et bien à l'abri du ciel. Pourtant Michel n'est pas une ordure, la preuve, tout le monde l'appelle. That's not Moses on the River Nile, but another prophet came with a bad new style. Smoking cigars, using mobile, Mr. Master Cardman is not coming down from the sky. Michel is so bad, Michel is a bad and rude boy. Michel is a rude boy guy, he came from Sinai. He shows up like a river, walking in the night, dreaming American like a prince of Dubai. He's a double bubble, double bubble, double bubble, double bubble hater, double bubble hater. And don't ask him why, just try to find what's true and what is a lie. Stay with the man, stay. Stay with the man in a, stay with the man in a, stay with the man in a dark. Don't open the lie. Stay with the man in a dark like the FBI. Drunk him quiet, they like the Moscow eyes. So follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow, follow. So follow like a shadow, the Oriental fly. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. That's not Moses on the River Nile, but another prophet came with a bad new style. Smoking cigars, using mobile, Mr. Master Cadman is not coming down from the sky. Ay, ay, ay, ay. Retrouvez-moi avec Brahim sur une émission spéciale à Mazerkat. Bagda Kalou, ça m'a rappelé chez la Sahel. En Algérie, moi j'ai voulu faire des choses gratuitement, par exemple des concerts gratuits. Mmh. Et ben, la plupart du temps, on m'a dit, mais il faut pas faire ça parce que si tu fais ça, les filles vont pas venir, les familles vont pas venir, les gens vont avoir peur que la rue arrive dans la salle. Or, précisément, cette rue, si elle ne prend pas l'habitude d'aller dans des salles de spectacle et d'aller voir des concerts, etc., eh ben, elle sera toujours farouche. Elle sera toujours comme ça, elle aura toujours un côté sauvage, parce qu'effectivement, quand t'es frustré, tout le temps, t'es à la rue, t'es jamais dans quelque chose qui est social, t'es jamais dans le lien social, dans un partage avec des gens, eh ben, forcément, le jour où il y a le partage, le jour où tu te retrouves dans une mixité, ben, tu peux perdre ton sang-froid. Et moi, je comprends ça. C'est quelque chose qui est dû à l'enfermement, à la condition des Algériens d'aujourd'hui. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qui peut nous guérir de ça, eh ben, c'est bien la culture. Parce que la culture, c'est un lien social. Quand on va à un concert, plusieurs fois dans l'année, ben, peut-être les deux premières fois, peut-être qu'il peut y avoir une bagarre ou deux, mais petit à petit, ben, les gens, ils s'habituent à être ensemble, ils s'habituent à partager les choses, ils s'habituent à respecter les familles, à respecter les filles. Et voilà, ça, c'est des choses... s'il n'y a pas la culture, si on ne fait pas un effort pour que la culture devienne une habitude, et non pas une faveur, c'est pas une faveur qu'on fait au peuple de lui amener la culture. La culture, c'est élémentaire. Ça sert pas seulement à faire travailler les artistes, la culture, ça sert aussi à ouvrir l'esprit des gens et à les mettre dans quelque chose qui est collectif réellement. La culture, c'est une vraie soudure. C'est un vrai lien social. C'est pas juste écrire des belles choses ou dessiner des belles choses ou faire des chansons pour faire danser les gens, c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et la preuve, c'est que ben voilà, chez nous, quand il y a des grands événements culturels, très souvent, il y a des débordements. Bon, là, moi, j'ai trouvé que c'était très mixte, par exemple, sur l'esplanade de l'Air de Fête. Quand on a joué, j'ai trouvé qu'il y avait plein de familles, il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait du respect. Il y a même des gens dans la foule qui m'ont dit qu'il y avait vraiment du respect, qu'il n'y avait pas eu d'incident. Je suis très content de ça parce que je sais que c'est un peuple qui a soif de culture et qui a soif qu'on lui parle son langage, qui a besoin qu'on lui parle son langage. Et je pense que quand on lui parle son langage, ce public-là repart content, repart heureux, il a passé une bonne soirée et il n'y a aucune raison qu'il y ait des débordements. Après, bien sûr qu'il peut toujours y avoir des petites altercations, mais en tout cas, la culture est une vraie éducation populaire. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un luxe, c'est vraiment élémentaire. En France au concert de Blazer Cadet. Alors c'était où? Exactement. Ça se passait à Paris, au Canal 93, Bobigny. Mais c'était à Paris, voilà. Adieu. C'était comment? Bah, c'était génial comme d'habitude, on va dire fidèle à lui-même quoi. Comme d'habitude, toujours aussi. Vous pensez que c'est le même public qu'en France? Pas vraiment. Non, le truc c'est que c'est un peu paradoxal parce qu'en France c'est un peu. Comment dirais-je? C'est plus intime. On peut l'approcher beaucoup plus facilement. Non, un mec c'est une vraie star et tout. Qui continue à faire ce qu'il fait parce qu'il le fait super bien et puis à nous faire danser, à nous faire rêver. Et puis quoi, voilà. C'est le passé, le présent et le futur. Hein. Tout simplement. Non mais préfère quand il était avec nous en division quand même. De toute façon, on le remercie beaucoup pour son travail, pour ce qu'il fait pour la jeunesse et pour ses textes aussi. Hein. Il a fait un fabuleux concert au Panaf, c'était vraiment super bien. Mais ça s'est bien passé. C'était formidable. Ça s'est très bien passé parce que je pense que les Algériens qui étaient là à ce concert, les Algérois notamment, mais il n'y avait pas que des Algérois, il y a des gens qui sont venus. Il y avait des gens qui sont venus de partout. De partout, de Kabylie, d'Oran, et j'ai vu des gens de Timimoun, j'ai vu des gens vraiment de partout, plus les Africains qui étaient là, etc. Mais en tout cas, je sais que cette jeunesse, ce soir-là, elle a entendu son langage et elle a parlé son langage. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait réciter un texte au public, que le public a repris. C'était un texte sans musique, bah, les gens l'ont repris plusieurs fois et je sentais bien qu'ils parlaient leur langage. Je pense pas qu'ils l'auraient repris avec autant d'énergie si ça avait été un texte qui leur ressemblait pas. Donc je pense que voilà, il faut donner aux Algériens ce qu'ils attendent. On a une vraie culture dans ce pays, il manque juste un minimum d'infrastructures, un minimum de techniques, un minimum de circuits pour tourner, pour faire exister la culture. Et ça roule. L'Algérie est un pays riche. L'Algérie manque pas d'argent. On a suffisamment d'argent pour faire de ce pays un vrai paradis. Il n'y a qu'à faire. Il y a juste à faire. La prochaine fois que vous serez sur scène, ça sera quoi, Mazir? En Algérie? Ici? Ça sera normalement en novembre, si ça se confirme. Mm-hmm. Parce qu'il y a un hommage qui est organisé par la ville de Guelma et par un producteur de spectacle qui s'appelle La Fifi. Donc je suis invité déjà à cet hommage et puis peut-être que derrière on va enchaîner avec normalement 7 concerts à travers le territoire de l'Est à l'Ouest. Donc il risque d'y avoir Constantine, Bjaïa, Ennaba, Alger, Oran, Tlemcen, Blabas aussi, j'ai demandé moi à jouer à Blabas parce que c'est là que j'ai passé une grande partie de mon enfance. Ça me tenait à cœur de faire de rejouer dans le théâtre où mon père a travaillé aussi. Et voilà, donc j'espère que ça va se faire. Après, c'est pas une info à 100% sûre, c'est pour ça que j'ai mis des réserves, hein. J'aime pas la fausse publicité, mais j'espère que ça va se faire. En tout cas, je pense que la personne qui organise ça est une personne sérieuse. Je l'ai rencontré à deux reprises déjà. Je sais que c'est quelqu'un qui connaît le travail, qui est très régulier dans ses relations avec nous, sur le plan de l'organisation et tout. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Après, si ça se fait pas... Il y a effectivement beaucoup de raisons qui peuvent faire que ça ne se fasse pas. D'abord, je me présente, je suis musicien du groupe Gnawa Rehki Blad. Ce que j'ai envie de dire à Amazir, c'est que d'un côté, j'ai vraiment apprécié ce qu'il est en train de faire, un truc super original, c'est-à-dire ce qu'il vient de faire l'autre jour quand il s'est produit à l'Esplanade. J'encourage beaucoup plus pour continuer à travailler sur le plan théâtral. Ben peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant je suis sur mon nouveau projet d'album, donc le théâtre ça va pas être pour tout de suite. C'est clair que c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs moi quand j'ai travaillé le peu de fois que j'ai travaillé dans le cadre du théâtre, ça a toujours été en tant que musicien, mais j'aime le théâtre en tant qu'expression. Je trouve que c'est un art direct, et que quand le texte est pertinent, le théâtre c'est très très efficace. C'est d'une efficacité redoutable. Donc j'aime le théâtre, je m'interdis pas un jour de peut-être d'en faire, mais je crois pas que je sois vraiment un comédien. À mon avis, je suis plus un musicien du théâtre. Si un jour je travaille dans le cadre théâtral, ça sera en tant que musicien à mon avis. D'accord, vous écoutez quoi comme musique en ce moment, Nadia ? Alors ce matin j'ai écouté Amr Zahi et j'ai écouté aussi une vieille cassette, parce que j'ai encore moi un lecteur cassette avec toutes mes vieilles cassettes. J'ai écouté du vieux son de Marrakech, des vieux Gnawi que j'avais enregistré à Place Djemalina. Donc un vieil enregistrement. Sinon, j'écoute pas mal Ali Farkat Touré en ce moment. Mm-hmm. Ça m'a donné envie de voir tous les Africains là, à Alger, tout ça. Ça m'a fait super plaisir. J'avais envie de me replonger dans la musique malienne. Sinon, qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute pas mal de musique Gnawi. J'écoute beaucoup de Chabi. J'écoute... Qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute parfois du raï, donc des fois je mets du raï, hein. Des fois je mets Joséphine à fond chez moi. Hein. Je suis normal, hein, comme tout le monde. Et après, j'écoute un peu de tout, j'aime bien le jazz, pas tous les jazz, mais j'aime bien le vieux jazz, en tout cas j'aime bien Louis Armstrong, j'aime bien Duke Ellington, j'aime bien Keith Jarrett, j'aime bien Dave Brubeck, j'aime bien Charlie Parker, voilà, j'aime le vieux jazz. Et c'est bizarre en fait, quand je regarde les musiques que j'aime, la plupart des gens que j'aime ils sont morts, à part Amr Zahi. Light Ola Malou. Que Dieu le garde, parce que c'est vraiment. C'est notre jazzman à nous, ça. C'est, d'ailleurs, au passage, je rends hommage à Amr Zahi qui est, je pense, le chanteur le plus intègre que je connaisse. S'il y a bien quelqu'un qui a jamais accepté de se faire acheter, c'est bien Amr Zahi. C'est vraiment, mais à tout, c'est-à-dire à tous les points de vue, hein, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan personnel. Voilà, c'est un vrai exemple. Des gens comme ça, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Des gens, Draouch Hagda, Matraouch. Tu vois ce que je veux dire ? Draouch Tassa. C'est-à-dire, Draouch Wanaïch. C'est quelqu'un, moi, pour moi, c'est un soufi. C'est un mystique. Mais pas dans le sens dogmatique du terme, ou là, c'est une question chez Daoula. C'est en lui, c'est à l'intérieur de lui. Il est d'une profonde honnêteté, il est d'une profonde discrétion. Il est profondément discret, voilà, c'est ça que j'aime chez cette personne. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est. Moi, je suis très attaché à cette figure-là. Pour moi, c'est ça, Alger. Alger, c'est Amr Zahi. D'accord. C'est ça, Alger, que j'aime. Le dernier film que vous avez vu, Amazir ? Le dernier film que j'ai vu, c'est hier soir, j'ai vu Le Soleil Assassiné. Un truc sur Jean Sénac, justement, un truc qui se passe à Alger. Un vieux film, hein, par ailleurs. Hein. C'est un film où il y a... la première chanson du film, c'est une chanson de Saïd Massi. C'est Hajitk Majitk. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. En tout cas, moi, je l'ai vu hier soir. Enfin, j'ai vu une partie parce que je me suis couché très tard. Je l'avais sur mon disque dur, je l'ai mis comme ça, et je pense que je vais revoir la deuxième partie aujourd'hui, parce que je suis tombé en fait, je me suis endormi, j'étais fatigué. D'accord, la dernière promesse que vous avez faite, Amazir ? C'est de ne jamais rien promettre. simplement. Voilà. Vous feriez quoi dans un monde sans musique, Amazir? Bah, je ferais de la musique. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est que il y a encore des mondes sans musique. Et il y a encore des mondes qui se passent de la douceur des notes et qui se passent aussi des notes de la douceur. C'est ça qui est dommage. Je trouve que notre monde est dur, malgré toute la musique qu'il peut y avoir. Je trouve qu'on pourrait quand même se faciliter la vie les uns les autres. On pourrait s'aimer un peu plus facilement, en se posant un peu moins de questions, en étant un peu plus libre. Mais voilà, je le souhaite à tout le monde. Hein. Ça ne concerne pas que les Algériens, ce que je dis. Hein. On est sur cette terre dans une espèce de... C'est comme si on était dans un grand terrain de foot et qu'il y avait une distribution de préjugés. Voilà, chacun y prend un peu et après, voilà, je pense que moi aussi j'ai des préjugés, on a tous des préjugés, mais il faut qu'on se soigne, tous. On a besoin de se soigner, il faut qu'on apprenne à s'aimer, voilà, on n'a pas le choix. On est sur une petite planète, on commence à être vraiment nombreux, je crois qu'on est plus de 6 milliards. Si on est 6 milliards et qu'on se déteste, c'est beaucoup plus dur à vivre que si on est juste 1 milliard et qu'on se déteste. Donc peut-être que l'humanité, jusqu'à maintenant, elle a fait que des guerres et que couler du sang, etc., et que c'était encore possible de se détester quand on était peu nombreux, mais là maintenant on commence à être vraiment nombreux, il va falloir s'aimer. Ça devient une urgence. Qu'avez-vous à dire à vos fans qui sont de plus en plus nombreux en Algérie, partout au Maghreb? Ben, ce que j'ai à leur dire, c'est que vraiment ils m'ont réchauffé le cœur sur les 3 concerts que j'ai eu l'occasion de faire en tant qu'Amazir, parce que pour moi c'est symboliquement très très très important. Je les remercie vraiment du fond du cœur, je les remercie de toute cette énergie. J'ai vu qu'il y avait des gens qui connaissaient déjà les morceaux par cœur, ce qui prouve que les gens vont sur internet, cherchent les nouvelles choses, prennent des extraits de live, écoutent, apprennent par cœur et viennent en concert pour faire la fête. Et voilà, moi ça me rassure, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore vivants, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont sensibles au texte, qui sont sensibles à la musique, qui sont sensibles à, eh ben, au partage, parce que c'est des grands moments de partage. Et voilà, ben, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je les aime et qu'ils me donnent envie de continuer à faire ce métier. Et je pense que c'est vraiment grâce à ces énergies-là qu'on trouve la force de se battre tous les jours et de continuer à faire ce métier malgré les conditions parfois qui peuvent être difficiles. Vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air facile, mais après, tu vois, moi, tous les gens qui ne travaillent pas dans la musique, que je connais, et que j'ai eu l'occasion d'embarquer avec moi dans le bus pour aller faire une ou deux dates, ils finissent 2 dates, ils sont sur les genoux. Ouais. Même ceux qui ont des métiers très très fatigants, moi je connais quelqu'un qui bosse dans le prêt-à-porter féminin, il est toute la journée en train de courir d'un entrepôt à l'autre avec il devait venir 4 dates, la deuxième date il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui parce que tu dors pas, tu vois, t'as pas de rythme. C'est pas évident. Non, Et voilà, moi, s'il y a bien un truc qui me nourrit par ailleurs et qui fait que je tiens debout, ben c'est ça. C'est cette jeunesse, c'est ce répondant-là, c'est ces voix, c'est cette danse, c'est les balles. Voilà, c'est la musique. Amazir Kateb, Amazir K, oui. Pour certains. Est-ce que ça vient de vous, Amazir K, ou c'est... En fait, tu sais pourquoi j'ai mis le petit K? Parce que normalement, sur les trucs, sur les photos, sur les crédits, pour les visuels, sur les disques, on met un petit C de copyright. Ouais. Et moi, j'ai fait un petit rond avec un K, donc mon copyright, c'est un K. Parce que c'est une appellation d'origine incontrôlable, Amazir. Je sais pas si tu as vu dans mon logo, à l'intérieur, il y a écrit « appellation d'origine incontrôlable ». Et donc, le copyright de ça, ça s'écrit avec un K. Voilà, c'est Mahalota interne. Désolé. Donc, nouvel album, Marché Noir avec un Marché Noir, avec EZ. Marché Noir. Noir qui sortira. Yanni, et m'chia ou khal. Voilà. C'est une marche africaine, ça, en l'occurrence. Hein. Il n'y a pas plus africain que ça. D'ailleurs, le prochain album, c'est Boîte à Chimba. C'est une boîte de chic. Ah, d'accord, c'est en forme de boîte à Chimba. Voilà, Boîte à Chimba. C'est Nefa Ifriqiyat Nihid Damarul Miziria. Son nouvel album, c'est en forme de boîte de chic, Boîte à Chimba. Oui, voilà. Vous en pensez quoi? C'est très original, c'est, ça, c'est Amazir quoi. Voilà, c'est tout lui quoi. J'espère, que, j'espère qu'on va écouter très bientôt son dernier album qui va s'appeler Marché Noir avec EZ. C'est une sorte de marché noir, voilà. C'est génial, ouais. Bah, on attend avec impatience la sortie de son album et puis on reste toujours fidèle à lui, à son écoute et puis on l'attend en force, voilà. Bah, merci. Mais je t'en prie, hein, merci. Au revoir. Non, c'est de la tchaklala sonore. C'est de la tchaklala sonore homologuée par le ministère de la contre-culture de masse, du Gumbri et de la contrebasse. Ça veut tout dire. Voilà. Premier single, Amazia. Premier single, Bushmet. Mm-hmm. Deuxième single, Michel Choukran sur les ondes en France. Sur Afrique.com, il est en rotation aussi, vous pouvez aller l'écouter. D'accord. Il est en écoute, il est en téléchargement aussi, il est sur Deezer Music, il est partout. Il suffit de taper Michel Choukran et vous allez tomber dessus. Et votre site ? Mon site, c'est amazirka.com. Mm-hmm. Et il y a un blog, vous pouvez laisser des messages, des commentaires, ça s'appelle La Langue du Peuple. Mm-hmm. Voilà, c'est un espace d'expression. Et le site va être réactivé très prochainement. Dès que l'album sort, il va être remis à jour, etc. C'est vrai que là, je suis en tournée. J'aime bien, moi, mettre mon nez un peu partout. Du coup, quand mon nez n'est pas disponible, ben, les choses, parfois, elles stagnent un petit peu. Mais c'est comme ça, quand on fait plein de choses en même temps, des fois, il y a des choses qu'on fait plus ou moins bien ou plus ou moins dans les temps. En tout cas, sur le site, il y a des infos, il y a les traductions de Bushmet pour les gens qui parlent pas l'arabe, parce qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent et qui parlent pas l'arabe. Donc voilà, il y aura aussi les traductions de l'album qui seront disponibles sur le site. Il y aura des extraits de live, il y aura des vidéos de la préparation de l'album, du studio, voilà, des choses que j'ai filmées cet hiver quand j'ai fait les enregistrements, etc., etc. Bon, voilà. Voilà, il faut faire un tour, c'est www. Non, il y a juste 3W amazirka.com. Parfait. Voilà. Tournée prévue pour novembre, c'est pas sûr. Ça là, j'espère novembre ou décembre, j'espère que je serai sur le sol algérien. Voilà. Donc on a fait le tour de la question. Si vous avez quelque chose à ajouter, Amazir. Eh ben que je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors je vous souhaite une longue vie dans l'espace. Et je souhaite une longue vie à l'Algérie, à l'Afrique, à Alger Chaîne 3. Bonjour chez vous. C'est le Moulna et la Galm Sarre. Allah ou Farouahtikoum. Et à très bientôt. C'était un plaisir en tout cas de passer ces quelques jours à Alger dans le cadre du Panafricain. Et puis bon, bonne fin de Panafricain. Et prenez bien soin de nos invités africains parce que eux ils sont sincèrement là, je pense. Eux ils sont venus vraiment voir l'Algérie. Donc voilà, à bientôt. Amazir, c'est un grand chanteur, magnifique, c'est notre chanteur, algérois, Tana. Et puis je tiens à te dire, Amazir, Menandi, Siham, Salamat, Amaziri, El Talf. Allez, bisous. Salut, Amazir, c'est Rim, on s'est déjà rencontrés il y a longtemps. J'adore ce que tu fais, bien sûr, je te l'ai toujours dit. Et un gros bisou de la part de Rim et Luisa. Voilà. Merci beaucoup, Amazir. Je vous aime bien, Yahoo, avec ça. C'est un plaisir, quoi. C'est la main, avec ça, Yahoo. Is credited and abundant everywhere is war. War. Don't do this no longer. Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.